j'ai à te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est faut survivre. Ok. Hey yo, j'arrive sale pour mes bouffeurs d'Arissa et mes big raveurs salade. Grand respect aux frères qui font la salade. Moi c'est qui sert, j'rappe vénère ou saccadé. J'lâche 91 kilos de seum que j'trimballe dans un sac ED. Y'a que des baiseurs de Condé. J'débite, rappeur au débit. J'ai les chicots pourris comme Odibi. Mon Jégar c'est pas le club mate. Ici y'a personne qui m'aide. C'est la merde, comme mettre ma bite dans le cul d'une skinette. Sans cesse, j'me fais du souci pour des histoires à 6 ou sans ça. J'veux peser comme Zizou, y'a rien de sans ça. J'ai 23 berges dans le cerveau de la camberge. J'suis bon qu'à teaser de la bière. Ils représentent mes bronzés et blancs becs. Défonce les portes avec les ports, jamais je collabore. Si tu roules avec qui sert, t'inquiète, y'aura de l'alcool à bord. J'lâche Wellou, j'ai dit non comme Wallet. Clé à molette dans la mallette. Au micro, j'lâche mon haleine d'alien.